Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Bonjour et bienvenue sur Fadjet pour votre chronique au fil de l'eau en compagnie de François. Bonjour François. Salut Yves. Ça va ? Ça va et toi ? Très bien. Ouais. En ce mois de décembre, on va parler aujourd'hui d'un poisson que je ne connaissais pas personnellement. Ouais, un c'est poisson, la bouvière. Un poisson qui n'est pas très très connu, effectivement, la bouvière. Les pêcheurs locaux appellent ça aussi une pataise. Et ben, je ne connaissais pas non plus la pataise. Encore moins. J'en apprends plein aujourd'hui, c'est formidable. Et la bouvière, en fait, c'est un drôle de petit poisson. Alors, pourquoi je dis drôle, on va voir, parce qu'il a un mode de reproduction particulier, mais déjà, on va le décrire un petit peu. Oui. C'est vraiment un petit poisson, hein. C'est un poisson qui ne fait pas plus que 7 cm. Voilà, ça fait 5 à 7 cm, c'est vraiment petit. Mm. Par contre, c'est un corps assez ovale, comprimé vers le haut. Qui ressemblera à quoi d'autre comme poisson qu'on ça peut ressembler un petit peu à un gardon. Ouais, tu d'accord. Vois, oui, je vois. Un petit peu un gardon, sauf que c'est vraiment très joli parce que ça a des reflets bleus, surtout un petit peu avant la période de reproduction au printemps, mais même tout au long de l'année. Mm-hmm. C'est vraiment un bleu irisé, un bleu électrique très joli en reflet. Hein, sinon, c'est plutôt argenté et blanc, mais on a vraiment des reflets bleus. On croirait presque un petit poisson d'aquarium. C'est vraiment super beau. D'accord. Donc 7 cm à peu près. Voilà, un œil orange comme beaucoup de poissons de la famille des cyprinidés. Il fait partie de la grande famille des cyprinidés. Et puis il vit plutôt dans les eaux calmes des étangs et puis des lacs et des rivières vers chez nous. Donc on en trouve, en Meurthe-et-Moselle notamment. Il y en a en Meurthe-et-Moselle, ouais. Un peu partout ? Un petit peu partout. Qu'est-ce que ça mange une bouvière ? Ah, bonne question. Alors, comme tous les poissons blancs, comme tous les cyprinidés, ça mange principalement des petites larves, des petits insectes, alors des mini-mollusques, voilà, d'eau douce. Hein. C'est herbivore aussi, hein, c'est-à-dire que ça mange un petit peu des petits bouts d'algues aquatiques. Voilà, mmh. Ça se nourrit comme ça. Et ça vit environ 3-4 ans, ça vit pas très très longtemps. On la pêche avec, au cou, hein, tout simplement, comme on pêcherait le gardon ou la blette, ouais. Une petite canne de 3-4 mètres, une ligne toute simple, un flotteur, et puis un petit asticot, ce qu'on appelle un fise ou un fifise. Oui. C'est, en fait, c'est un asticot, mais... rouge, non ? Ouais, voilà, souvent c'est rouge. Et c'est plus petit, quoi, c'est vraiment les plus petits asticots que vous pouvez trouver dans le commerce, donc c'est adapté à pêcher les petits poissons, comme les bouvières ou les ablettes, par exemple. Et on le trouve facilement, ou il se cache un peu... Ouais, alors c'est marrant parce que quand tu prends une bouvière, c'est souvent quand tu pêches des gardons, des ablettes, voilà, tu pêches ouais. Un peu le tout venant et puis paf, tu tombes sur une ou deux bouvières de temps en temps qui passent, même si ça vit en banc, voilà, mais c'est vrai que quand tu prends ça, tu te dis, ouais, qu'est-ce que c'est ? C'est un drôle de poisson. Et alors, je disais drôle de poisson parce que, donc, bon, certes, c'est joli, ça a ses reflets tout bleus là, c'est un mode de reproduction qui est hyper spécial. Ça se reproduit. Figure-toi que la femelle, en période de reproduction, donc tout le monde sait qu'un poisson, ça pond des œufs, d'accord ? Oui, on est d'accord, ça je voilà. Le savais. Donc les femelles poissons ont des œufs dans le ventre qu'elles expulsent qui sont fécondés par les mâles. La bouvière, en fait, elle a un tube reproducteur, c'est-à-dire que c'est un tube qui lui sort du corps en période ouais. De reproduction, comme une paille, tu vois ? Oui. Et tu sais où elle dépose ses œufs ? Elle dépose ses œufs dans les moules d'eau douce. Ah on bon a des moules d'eau douce. Ah non, elle va parasiter un autre voilà, animal, c'est, en fait. C'est une sorte de relation parasite, mais en fait, c'est... Ils collaborent. C'est de la collaboration. Enfin, ça n'impacte pas, si tu veux, le cycle de vie des espèces de moules qui oui. Abritent les œufs des bouvières. Voilà, c'est rigolo, parce que du coup, ça c'est la moule qui protège les œufs de la bouvière. Les œufs éclosent en larves, hein, donc en mini alevins, mm-hmm. Qui à un moment donné sortent parce que vous savez que les moules ça filtre l'eau, donc ça aspire l'eau, mm-hmm. Et puis ça rejette pour filtrer, et du coup ça, en rejetant au bout de 2-3 semaines comme ça, ça rejette les petites larves de bouvière. Alors le mâle tourne autour quand même toujours pour protéger voilà, c'est sa petite progéniture, et puis ça grandit comme ça tranquillement, mais c'est assez rigolo. Donc c'est intéressant en termes d'interaction d'espèces, parce que demain les moules d'eau douce sont quand même des espèces qui sont assez sensibles aussi à la pollution, etc. Donc si demain elles disparaissent, oui. Les bouvières disparaissent aussi parce que c'est elles se reproduisent. Oui, c'est vraiment dépendant en fait. Ouais, c'est ça. Donc on a deux familles à peu près de moules d'eau douce. Alors je sais pas si vous saviez qu'on avait des moules d'eau douce. Et du coup on a la famille des anodontes et puis la famille des mulettes, et notamment on en a une qui est assez rare, enfin surtout protégée en Meurthe-et-Moselle, qui est la mulette épaisse. Alors je vais pas vous la décrire parce que mais voilà, c'est la petite info du jour. Par Parfait. Donc, un mode de reproduction plutôt original pour la bouvière. Merci de nous avoir fait découvrir ce poisson. Ouais, un très joli poisson tout bleu. C'est très mignon. On mettra une photo sur le site de la radio. Tout à fait. Et bien sûr, certainement sur le site de la Fédération et sur le futur livret 2023. Peut-être qu'on en parle dedans. Mais oui, quelle belle transition. Oh, oh là là, c'est beau. C'est un métier quand même. Qui dit fin d'année dit. Alors, déjà, mise en ligne des cartes de pêche pour la saison 2023, effectivement. Donc, elles sont dispo, vous pouvez les acheter, on le rappelle, soit sur internet, soit chez un dépositaire de cartes. Il y a la liste sur le site internet de la Fédé, www.pêche-54.fr. Et puis, il y a le petit livret de la pêche en Meurthe-et-Moselle, l'édition 2023, 75 ou 76 pages d'informations pratiques sur la réglementation, les poissons, justement, les parcours de pêche, les réciprocités, tout ce qu'il faut savoir pour aller à la pêche. Bon, là, il fait un peu froid. Alors, tu n'as pas le droit de casser la glace, tu n'as pas le droit de pêcher sur la glace. Donc là-dessus, une fois que c'est glacé, c'est bon, on arrête. Mais non, l'hiver aussi, c'est l'occasion de préparer un petit peu son matériel. On fera une chronique un petit peu sur le matériel au mois de janvier. Super. Donc, cartedepêche.fr, ça, c'est le site internet pour aller payer sa carte de pêche pour 2023. Bien sûr, aller chez les dépositaires. C'est ça. Toujours près de chez soi, c'est encore plus sympa. Ouais, et puis, alors, c'est un cadeau de Noël sympa aussi. On peut peut-être rappeler, il y en a différentes des cartes de pêche. Il y en a une annuelle, il y en a une pour les femmes particulièrement, il y en a des journalières, et vraiment. Tout à fait, il y a des cartes adaptées à tous les publics, notamment pour les enfants, c'est pas très cher. Hein. Pour les enfants de moins de 12 ans, c'est 7€ pour toute l'année. Pour les personnes mineures, donc c'est 22€, donc ça reste très, très accessible. Tous les détails sont sur les sites dont on a parlé. www.pêche-54.fr, donc pour retrouver toutes les infos. La version en ligne aussi du guide 2023 de la pêche en Meurthe-et-Moselle et plein d'autres infos. Et puis on reste dispo au téléphone aussi, on peut rappeler le numéro de téléphone de la Fédé qui est le 03 83 56 27 44. Et qu'est-ce qu'on souhaite aux pêcheurs pour cette fin d'année ? On souhaite une bonne année, on souhaite qu'ils aient des beaux cadeaux sous le sapin, des beaux moulinets, des belles cannes. Et puis surtout, on va leur souhaiter, alors c'est les vœux de bonne année, mais une belle saison 2023 avec pas trop de sécheresse parce que nos milieux aquatiques ont quand même fortement souffert en 2022. Là, ça a été quand même très dur avec la sécheresse et la chaleur. Donc un peu plus de pluie. Ce qui est bien, c'est quand il pleut, la nuit, en fait, comme ça on peut faire quand même des barbecues et aller à la pêche et que ça soit agréable, mais il y a quand même de l'eau dans les rivières et dans les nappes pour garantir la survie de nos chers petits poissons. Allez, pour le barbecue, on va encore attendre un peu, hein. Ouais. On est d'accord. Merci beaucoup François. À bientôt et puis bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Au fil de l'eau, avec la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique.